afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 27 novembre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liqui BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information liquibd.com. Bonsoir les amis, vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1 à Québec. Et c'est l'émission Terrain Incognita en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Bruno! Ben oui, ça a été une grosse semaine. Hein, puis ça, en fait, ça a été la suite de l'émission de la semaine dernière où on a reçu... c'est Michel et Marc ont reçu Maelstrom. Et comme on discutait avec Vincent juste avant, c'est assez fascinant leur histoire. Enregistrer un disque, puis avoir, la colonne vertébrale bien en place et refuser les concessions aux compagnies. Mais il y a eu un prix à payer pour ça. Ça a pris 40 ans avec l'album sorte. Bien, on va en écouter un autre extrait cette semaine. Là. Ça va aller dans le deuxième bloc. Mais avant ça, il y a des grosses nouvelles. Là. Des grosses nouvelles. Ben oui. Festival Terra Incognita. Ben oui, les noms commencent à sortir. Il y a Eden Song et l'autre, j'ai pas la feuille, fait que je peux pas le prononcer. Il Paradiso des Gliorchi. Bon, et c'est bon. Tout ça, ça a été publié sur le site de Terra Incognita. www.terrainincognita.québec, on le répète souvent. Ben, en fait, c'est plus la page Facebook de Terra Incognita, c'est plus là qu'on trouve toutes les informations. Vous pouvez aussi nous rejoindre au 640-1586 aussi. Et je vous signale que le podcast est disponible sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Et vous allez dans la programmation et c'est l'émission Terra Incognita. Mais ça, vous savez déjà tout ça. Et on va écouter un petit peu d'Eden Song. Oui, c'est bon. Très bon. Ben oui, il y a un nouveau disque qui s'appelle Year in the Gardens of the Years. Et, nos amis en ont fait jouer la semaine dernière et je pense qu'on va en réécouter dans les prochains mois. On écoute assez souvent. Oui. Parce que, premièrement, il est très bon. Très bon, oui. Si vous avez aimé celui d'avant, je pense que vous allez l'aimer encore plus. En ce qui concerne le groupe italien Il Paradiso des Gliorchi, ils nous avaient surpris avec leur album Il Corpo Nota, qui est paru au début de l'été. Et encore là, ça, c'est des jeunes qui ont beaucoup de fougue. Là, ils sont protégés par nul autre que... Fabio. Ben oui, le monsieur partout, finalement, il y a tellement de génie, ce gars-là. Il y a tellement d'œuvres à son actif. Là. Puis, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite peut-être à passer par Michel, qui a écrit un livre. En fait, c'est une longue entrevue avec Fabio Zuffanti. Et le livre a été disponible au dernier festival. Et ben, là-dedans, on retrace toutes ses œuvres qui se montent à une quarantaine là, dans les 20-25 dernières années, ce qui est quand même énorme. Là, donc, et la plupart du temps, ben, c'est assez extraordinaire. Et malgré ça, il trouve le temps de parrainer des groupes comme il Paradiso degli Orchi et un autre qu'on connaît bien aussi, Unreal City. Et bien, on va aller en musique avec Eden Song, Il Paradiso degli Orchi. Et le bloc se terminera par Vandercraft Generator de leur dernier album Do Not Disturb. con lei, dove il mio corpo più desidera. a yes. So now I find I'm in a modest place, repenting at leisure for what I did in haste. And all my past promises are catching up on me. Oh no, I guess I must have said yes. Said that I agree. I apologize to everybody. What else can I do? Now I'll do my best to see it through. I got no other option. Juices, denial is useless. Holy cow, with precision, my everyday decisions have led me to be in the here and now. Thank you. Pandagraph Generator avec Oh No, I Must Have Said Yes. Et bon, je pense que Pandagraph Generator s'en donne à cœur joie sur ce disque-là qui ont annoncé qu'il serait probablement leur dernier, étant donné qu'ils ne rajeunissent pas, ben, comme nous tous d'ailleurs. Ben, c'est la fête à Peter Emile. Ben oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Ben oui. 68 ans. Ben oui, quoi qu'en Angleterre, c'est déjà du passé. Ils sont déjà au lendemain. Mais ben oui, c'est 68. Il y en a 48. Bon, c'est bien. On l'a vu cet été, quand même en forme, mais même si on sent l'âge... mais on voit sur ce disque-là qu'il y a quand même une bonne forme, qui s'appelle Do Not Disturb. Et ben, c'est très bon. On voit sur cette pièce-là qu'il y a un petit peu d'expérimentation. Ils s'en sont permis. Et juste avant, c'était le jeune groupe Il Paradiso des Gliorchi avec la pièce Specchio. On avait débuté avec Eden Song et Kronos. Il y a un nouveau magazine, un nouveau Terrain Incognito qui est sorti. Michel a publié ça sur le site Facebook, mais ils n'en ont pas parlé, il me semble, dans l'émission. Mais non, on n'a pas parlé dans la semaine dernière. Ben, il y avait des visiteurs. Ben oui, il y avait Malstrom, je comprends, ça a pris beaucoup de place. Puis, ben, il y a beaucoup de choses là-dedans. Entre autres, il y a une entrevue avec Il Paradiso des Gliorchi. Dans ce nouveau magazine. Michel l'a mis sur sa page Facebook de Terra, l'entrevue. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y en a une entrevue avec Nathan, entre autres. Il y a Tilt, je passe les pages, Bruce Sword aussi. Eden Song, oui, est aussi en entrevue. Et ben il y a beaucoup de choses dans ce magazine qu'on vous invite à acheter. Et pour ce deuxième bloc, ben il y a Marillion qui était ici cette semaine pour présenter leur disque Fear. On va entendre la pièce Living in Fear. Nous autres, on n'était pas présents. Mais il semblerait que c'était très bon. On va entendre aussi une autre pièce de Malmström. Un disque est très bon qui s'appelle c'est un album éponyme. On va entendre la pièce Porte-Bonheur. Et ben, on vous invite à aller voir le site malmströmquebec.com. Vous allez avoir toute l'histoire du groupe là-dessus. Ça donne beaucoup d'informations et c'est très intéressant parce que c'est quand même une histoire qui n'est pas banale. Prendre 40 ans pour sortir l'album. Mais en fait, c'est un disque des années 70 qui a été enregistré. Puis à Murray Night, pas n'importe où. Non. Ça n'existe plus maintenant. Non, malheureusement. T'as l'abandon. Et ben, on terminera le bloc avec Verbal Delirium.

of reputation. I struggle to recollect this leftovers of my decay. Reflection dead and destination for dereliction. Isolation, dive in my tears pool again. I know I have already failed to learn just how to feel, to love, to hate. I don't remember who I was or who I am or who I will be. Please forgive me, please believe me, please don't leave me. Save me, everything's I know I have already failed to learn. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Retour en 2016. Ne manquez pas l'International des musiques sacrées de Québec du 3 au 6 novembre. En concert, les Violons du Roi présentent Vivaldi à la chapelle du monastère des Augustines, Kawendak et Yves Sioui Durand à l'espace Hyperion. La musique sacrée de la cour du Vatican jusqu'aux rues de la Nouvelle-Orléans avec le quintet de cuivre de l'OSQ à Holy Trinity. Enfin, le 6 novembre, Marie-Josée Laure et le chœur Les Rhapsodes à l'église Saint-Roch. Toute la programmation sur musiquesacréesquebec.com. Billets en vente sur pointdevente.com. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique jazz avec Didi Bridgewater. La légendaire chanteuse de jazz vous transportera avec ses musiciens dans le cœur et l'âme de la Nouvelle-Orléans avec les chansons de son album Didi's Feathers. Le 15 novembre, vivez la musique à son meilleur avec Didi Bridgewater. Détails au palaismontcalm.ca. Hey, nous sommes de retour. Verbal Delirium a terminé ce deuxième bloc. Un groupe grec, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a la tulipe noire. Hein. Hein, Bruno? La tulipe noire, c'est grec, ça? En tout cas, il y en a bien d'autres comme ça. Oui, la tulipe noire, c'est grec. Mais il n'y en a pas des masses. Et on ne sait pas trop à quel courant les rattacher. Il y a beaucoup de mélotrons. Parfois, c'est un peu costaud. Vous avez entendu des extraits, Michel ou Marc en ont mis des dernières semaines. L'album s'appelle « The Impressioned World of Fear ». Et on a entendu la pièce de « Delayed Reflection »,« Verbal Delirium ». Et juste avant, c'était Maelstrom avec « Porte-bonheur », une pièce qui est peut-être un petit peu plus acoustique que le reste de l'album. Une bonne pièce quand même, et assez variée, et de tendance un peu « Gentle Giant », on reconnaît les influences. Et comme j'ai dit tantôt, Vincent va en faire jouer aussi pendant l'autoroute, donc soyez à l'écoute. On avait débuté avec Marillion, avec « Living in Fear ». Et dans ce cas-ci, on ne sait pas si c'est vivre dans la peur ou bien parce que fear, c'est l'acronyme de fuck everyone and run. C'est pas très invitant, mais en tout cas, c'est un concept. Et j'ai parlé dans le dernier numéro de Terra Incognita que je vous invite à vous procurer de l'entrevue avec Il Paradiso de Gliorchi. En fait, il est juste sur le site. Par contre, il y a une entrevue avec le bon groupe italien Nathan là, qui nous a excité tout le monde cette année. On va y aller avec les concerts, France? Oui, il y en a un peu. Ben oui, il y en a pas mal les prochaines. Si vous ne savez pas quoi donner comme cadeau de Noël, ben vous allez avoir le choix. Le 7 janvier, c'est Gigi Project au Centre d'art La Chapelle, hommage à Gentle Giant. Avec la belle Rachel. Avec la belle Rachel, comme tout le monde appelle. Le 27 janvier, c'est House au Cirque. C'est ça. J'avais demandé à Michel Saint-Père. Ah, lui, oui. Il m'avait dit Huis. Bon, OK. Parce qu'en irlandais, ouais. Ça se prononce House, mais quand j'avais posé la question, il m'avait dit on peut dire Huis. Bon. Le 1er février, les quatre prochains concerts que je vais nommer, c'est à la salle Jean-Paul Tardy au Collège de Saint-Charles-Garnier. Le 1er février, Neil Burns Band. Le 19 février, Saga. Le 8 avril, IQ de retour. Et le 5 mai, le groupe tant attendu, Anne de la Garde. Ben oui, première visite à Québec. Le 16 mars, il y a Red Sun au Centre d'art La Chapelle. Et on attend avec impatience les autres groupes annoncés au Festival Terra Incognita. Les 20 et 21 mai. C'est bien ça. Ben oui. Ben, on va débuter ce troisième bloc avec Opeth, qui nous arrive toujours avec des albums intéressants. Ça s'appelle Sorceresse. Et on semble pas vouloir revenir à du Opeth là, avec la voix caverneuse, la voix de death metal, et c'est franchement tant mieux. Il y a des pièces un petit peu plus costaudes qu'on retrouve là-dedans, un petit peu plus élevées, mais il y en avait aussi dans les derniers. Mais dans l'ensemble, on est pas mal dans la lignée de ce qui s'est fait. Moi, je dans les derniers disques, c'est peut-être celui que je préfère, mais c'est encore récent. Là. On va entendre la pièce de Wildflower. Un disque qu'on attendait presque pas, ben en fait, il est arrivé peut-être un petit peu plus vite qu'on pensait, c'est K-Pod à Capo. Ben, c'est pas une nouveauté parce que ça fait quelques semaines qu'on joue ça à l'émission. Là. Mais en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'en mets. Je vous fais grâce des titres là, parce que c'est en suédois. Puis, par contre, j'invite à aller sur le site www.terraincognita.québec et à partir de demain, ben, vous aurez toute la liste. Vous cliquez sur l'onglet radio et à ce moment-là, vous allez avoir tous les titres des pièces qu'on fait jouer. Et ben, pour les podcasts, c'est sur le site de CKRL. Donc, on débute avec Opeth. Come and the flames go higher, searing skin on a funeral pyre. Should I speak and they'll call me a liar? I retreat to my funeral pyre.

drops that contain her tremble. Tore up the instructions assembled. Drawing the banks of confusion. Take me in outside. Take me out inside. Les Anglais de Knife World avec leur disque Bottle Out of Eden, la pièce I Am Lost. Moi, j'avais découvert ça avec le magazine Progressis qui avait un sampler de ça. Là, c'est le dernier en date, le dernier disque en date qui s'appelle Bottle Out of Eden. Juste avant, c'était Caipa da Capo qui a été une très très belle surprise pour nous. Et d'ailleurs, on les avait reçus l'année dernière. Ben oui. Et ben, ça avait été assez extraordinaire. Moi, j'avais été vraiment surpris par Ron Stout. Les autres prestations avec Flower King ou avec Agent of Mercy, ben ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim parce que je trouvais que Ron Stout et sa bande faisaient mieux que ça. Mais Keipa da Capo, c'était impeccable. Très bon claviériste. Oui, lui, il s'est fait des adeptes. Mm. Et justement, c'était Opeth. Opeth, ils sont-ils déjà venus à Québec? Non. Je pense que non. Pas d'après moi. On les avait vus longtemps, longtemps à Montréal. Oui, dans le temps de Damnation. C'est ça. Mais, ils faisaient la première partie de Porcupine Tree. Ben, en fait, ça avait été l'inverse. L'inverse, oui. Ben, en fait, c'était un show double. Ouais. Puis, il alternait. Une journée, c'était Porcupine Tree, puis l'autre journée, c'était Opeth. Et ben, c'est déjà le dernier bloc. Et ben là, un disque qui, en tout cas, moi et Marc, on est plutôt emballés par ça. Là, c'est Peter Emil and the K-Group. Et c'est une réédition. Ben, pas tout à fait, là. C'est déjà paru, je pense, sous forme de vidéo. De, je sais pas si c'est une cassette ou un DVD, là. Mais c'est live à Rock Palace, Hambourg, 1981. Et c'est sur un package de deux CD et un DVD, avec une très, très bonne qualité, autant de son que d'image. Et c'est une belle surprise qui nous est apparue encore une fois. On va entendre la pièce d'or, une pièce qui avait été jouée à l'époque de Van der Graaf Generator dans une de ses vies antérieures. Et c'est à l'époque où ce qu'il y avait Graham Smith. Et ben, c'est une bonne pièce. On va suivre avec Latte et Mielé et Kansas, et on vous revient pour le mot de la fin. He's a wild man, trumping all the answers. She's a wild girl, trying to keep his feet on the floor. And whispered physical litanies. Please stay away from the door. The door. Oh, that feels so much better, he says. Now you forget everything that I said before. And sit there all by yourself while I walk through the door. Yeah. us. Till next time. See you. C'était Kansas de leur album de prélude implicite qui est sorti dernièrement, la pièce Camouflage. Juste avant, Latte et Miele sur Decameron Tende in 100 Novellas Part 3. Et juste avant, c'était un Peter Emile déchaîné avec la pièce Doors. Door, pardon, il y en a juste une. Et il y a des nouvelles parutions qui s'en viennent? Oui, il y a un nouveau What Willow qui va s'intituler Future Ops. Normalement, qui devrait sortir en début 2017. C'est leur premier depuis Terminal Twilight de 2011. Et là-dessus, il va y avoir Mathias Olsen qui va jouer la batterie et les percussions. Mm-hmm. Ensuite, il y a Big Big Train, A Stone Throw From the Life. Ouais. C'est un album live. Un album live qui comprend deux CD. J'aime mon dos, t'écris mal, mon bébé. le 2 décembre, il va sortir le 2 décembre. Oui, ça sort le 2 décembre, puis c'est, ça serait une compilation des... Des trois concerts à Londres en août 2016. Ben oui, il y a Record Showbloom qui est là-dessus aussi. Et ben on termine là-dessus avec une pièce de Sid Arthur sur leur album On and On, ça s'appelle Paradise Lost, et... ça fait référence beaucoup à Pink Floyd, même sur le disque, le A du Arthur est en pyramide. En fait, c'est un triangle qui rappelle la pyramide de Dark Side of the Moon. Donc, c'est tout pour nous. Ça a été un plaisir d'être avec vous et je vous invite à aller nous écouter sur le podcast si vous avez manqué des bouts. Donc, à la semaine prochaine. We'll be right back. house of my dreams, built upon rocks of mine. The deceiver, his name, comes in many a guise, and a vision was clear once before that I know, so never let it go. Black planet eyes, lost in Earth's great disguise. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stop! Rebuild all your ruins for peace and trust.